Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Nous ne sommes pas seuls. Depuis notre naissance, nous vivons avec une communauté de microbes, sur nous, à l'intérieur de nous. Notre corps est un écosystème à lui seul. Nous portons dans notre ventre 100 fois plus de bactéries qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Et ces colocataires microscopiques nous font du bien et influent sur notre santé. On dit même que ces micro-organismes sont les co-architectes de notre monde. La découverte récente du microbiote est l'une des dernières révolutions des sciences du vivant. Nous avons découvert un nouveau continent qui reste encore à explorer. Microbiote, dites-le avec des flores, c'est notre découverte du jour, une découverte symbiotique. Bienvenue dans Eureka. Et pour plonger dans ces écosystèmes microbiotiques, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans les studios de France Culture Geneviève Héry-Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, enseignant-chercheuse en bactériologie à la faculté de médecine de Brest et praticien hospitalier au CHRU de Brest. Alors vous avez publié cette année « Ces microbes qui nous veulent du bien » aux éditions Humaine Science. Et nous sommes également en ligne avec Marc-André Sellos. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et professeur à l'Université de Gdansk, en Pologne. Alors votre ouvrage « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » va paraître en poche en septembre. Eureka, c'est du lundi au vendredi sur France Culture de 16h à 17h et à toute heure en podcast. On s'intéresse dans cette émission tout l'été aux histoires des inventions mais aussi aux grandes découvertes de l'humanité. Aujourd'hui, le microbiote. Lorsqu'on prononce le mot de microbe, c'est immédiatement l'idée de maladie qui vient à l'esprit. Et, sans aucun doute, l'association de l'adjectif utile à ce mot paraîtra paradoxale à beaucoup. Les microbes, évidemment, sont les agents de ces grands fléaux que sont la peste, le choléra, la tuberculose et de nombreuses maladies infectieuses qui, chaque année, tuent quelques dizaines de millions d'individus à la surface du globe. C'est là l'un des aspects de l'activité des microbes, le plus spectaculaire, certes, mais non pas le plus important. Car si quelques dizaines de millions d'individus meurent chaque année de maladies infectieuses, c'est la population entière du globe qui est tributaire de l'activité d'autres microbes. Viennent ceux-ci à disparaître, ce serait à brève échéance la vie qui disparaîtrait aussi de la surface du globe. Alors pour commencer, avant de parler de sa découverte, je voudrais un peu qu'on le définisse ensemble. Marc-André Sellos, le microbiote, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi une communauté microbienne. C'est un ensemble d'espèces de microbes, des espèces différentes, et qui sont représentées chacune par de multiples individus. Alors, en d'autres termes, ça veut dire que c'est un vrai écosystème, parce qu'il va non seulement y avoir toutes ces espèces qui sont là. Bon, l'humain en embarque entre, allez, 1000 et 3000, ça dépend de qui et de quand date la plus récente douche, on va dire. Mais l'histoire est que c'est aussi des liens entre ces microbes entre eux et puis avec l'organisme qui va les abriter. Et quand on parle du microbiote de l'homme, par exemple, eh bien, c'est aussi les liens avec nous. Donc c'est une communauté de microbes. Voilà. C'est ce qu'on appelait autrefois, moi, quand j'ai fait mes études, la microflore commensale. Parce qu'à l'époque, ça intéressait pas grand monde, c'était plutôt les botanistes qui avaient les yeux sur les microbes. Alors on parlait de microflore, et on disait qu'elle était commensale, parce que ça voulait dire qu'en gros, et on va voir que c'est complètement faux, eh bien, elle était là, elle en profitait, et pour nous, c'était neutre. Geneviève Héry-Arnaud. Oui, alors c'est une très bonne définition, cette notion de communauté microbienne. Et pour se rendre compte un petit peu de ce à quoi on parle, on fait référence, il faut se rappeler que dans un microbiote, on va retrouver toutes les branches du vivant. Et c'est vrai, quand on voit Homo sapiens, on se voit en tant qu'être humain, donc eucaryote. Et en fait, pendant des siècles, on a oublié qu'une partie de nous-mêmes, en l'occurrence la moitié de nous-mêmes, eh bien, est représentée par d'autres branches du vivant, notamment les bactéries, mais également les archées. Et donc finalement, entre eucaryotes, bactéries et archées, on parle de microbiote, de communauté microbienne, et on brasse toutes les branches du vivant au sein d'un seul organisme, qui est l'organisme humain. Donc c'est ça aussi, cette notion de microbiote qui commence à émerger depuis une dizaine d'années en médecine, c'est finalement la découverte de l'autre nous-mêmes qui est portée par cette part microbienne et dont on se rend compte qu'elle est extrêmement importante pour notre santé et qu'elle intervient dans les maladies et pas que les maladies infectieuses. Au moins 50% de bactéries, le corps humain porte 50% de bactéries, c'est presque un peu moins même que la moitié, enfin le nombre de cellules humaines. Oui, alors au départ on a un petit peu exagéré, ça faisait peur à beaucoup de monde, en tout cas à ceux qui sont non bactériologues, non microbiologistes, parce qu'on disait il y avait 10 cellules bactériennes pour une cellule humaine. En fait au départ quand on a commencé à faire ces comptes d'apothicaire, ceux qui sont pas forcément les plus intéressants, mais ça permet de chiffrer de quoi on parle, on avait complètement oublié de compter les cellules sanguines. Et donc dans les années 2016, je crois, il y a une publication de la part d'une équipe israélienne qui a refait compte à compte, qui a sorti son boulier. Et finalement qui est arrivé à la conclusion qu'on était un être en gros parfaitement hybride, fait pour moitié de cellules humaines et fait pour moitié de microbes, là, essentiellement des bactéries, mais pas que. Je vous ai parlé des archées, mais on va retrouver aussi beaucoup de virus, on va parler de viromes, et puis d'autres eucaryotes comme des parasites. Donc on est vraiment un être multiple et on est un être augmenté grâce à cette part microbienne, et ça c'est un monde voilà, qu'il nous faudra probablement plus d'un siècle avant d'arriver à une découverte totale, enfin une description totale. Donc c'est ça qui est extrêmement excitant à l'heure actuelle. Marc-André Sellos. Ah oui, je souscris à ce qui vient d'être dit. De ce point de vue-là, nous sommes un zoo, et un zoo assez incroyable, parce que des zoos avec plusieurs milliers d'espèces, bon, j'en connais pas beaucoup, hein. Mais alors, il y a quand même une perspective importante, ce qui est parfois oublié dans le microbiote et qui est un peu particulière, c'est que les premiers passagers, finalement, de nos organismes sont ceux qui sont entrés dans des cellules de lointains ancêtres, qui à l'époque étaient sans doute unicellulaires, qui sont aussi les ancêtres d'ailleurs des plantes, des champignons et tout un tas d'autres organismes. Et ces bactéries-là, qui sont entrées dans nos ancêtres, leur ont permis d'utiliser l'oxygène et leur ont apporté la respiration. Or, ces bactéries-là sont encore dans nos cellules, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les mitochondries. D'ailleurs, elles sont tellement inféodées à nos cellules, héritées de génération en génération, qu'au début, on n'avait pas repéré que c'était des bactéries. Mais on s'aperçoit maintenant qu'effectivement, ce sont des bactéries, que la respiration, qui est le moyen de libérer des sucres, l'énergie qui nous permet de vivre, vient de ces bactéries. Ce qui fait que, quand je dis « je », en fait, c'est avec l'énergie de bactéries que je suis capable de le dire. Donc, on est vraiment sur une révolution conceptuelle, là. Je suis habité, et ça a d'ailleurs inspiré les midi-chloriens. Mais la deuxième chose, surtout, c'est que si on tient compte du fait maintenant que des mitochondries, il y en a entre 10 et 1000 par cellule humaine, alors si on les compte, elles, là, la vague, la déferlante est énorme. Je suis microbien. 39 000 milliards de bactéries hein, pour le microbiote intestinal, hein, ça représente presque 1 voire 2 kilos de bactéries, c'est en effet énorme. Ah oui, là on est quasiment devant une galaxie stellaire à découvrir. Hein. On peut faire des parallèles avec le monde de l'infiniment grand dès lors que l'on parle du monde microbien qui nous habite. Alors je viens d'évoquer le microbiote intestinal hein, qui est un peu la grande star qui a volé la vedette aux autres, mais il y en a plein d'autres aussi. Alors oui, il y en a plein d'autres. C'est vrai que ça c'est aussi extrêmement intéressant de se rendre compte que finalement on décrit des organes dans l'organe puisque en fait un microbiote on peut le décrire comme un organe. Il a une structure, il a des fonctions, il joue des fonction essentielle à la santé humaine. Et puis, il est de temps en temps malade. C'est ce qu'on va appeler la dysbiose microbienne. Donc, on a beaucoup étudié et on a encore beaucoup de choses à découvrir au niveau du microbiote intestinal. Mais finalement, la découverte du microbiote intestinal a donné l'impulsion à la découverte d'autres microbiotes. Alors, il y a des microbiotes qui étaient extrêmement évidents au niveau de la peau. On sait qu'on a des bactéries qui nous habitent, qui jouent beaucoup de rôles, notamment un effet barrière contre l'installation de bactéries pathogènes. Le microbiote oral, on se doutait aussi bien qu'il était là, simplement par contiguïté avec finalement le tractus digestif. Mais par contre, quand on a commencé à appliquer ce qu'on appelle les techniques de séquençage au débit qu'on peut décrire comme un espèce de stéthoscope moléculaire et qu'on a commencé à utiliser ce stéthoscope moléculaire pour ausculter d'autres organes, on est tombé sur des microbiotes qu'on n'imaginait même pas. Et un exemple type, c'est le microbiote microbiote pulmonaire. Moi, j'ai été élevée sur les bancs de la fac en disant un poumon sain est un poumon stérile. Donc, on parlait de ce dogme que les poumons sont complètement stériles. Et donc, rétrospectivement, ça paraît assez fou d'avoir cru ça pendant plus d'un siècle. On n'avait pas un seul microbe au niveau des poumons, alors que vous allez à 60 km en stratosphère et vous descendez à 11 km dans les abysses, vous continuez à trouver des microbes, qu'on inhale des milliers de bactéries tous les jours. Et donc, pendant plus d'un siècle, on a cru qu'on avait en fait une stérilité parfaite au niveau de nos organes profonds, comme le poumon. Et donc, il a fallu attendre l'arrivée de nouvelles technologies pour voir les choses différemment. Et c'est vrai qu'en médecine, souvent, on progresse, on voit les choses sous un autre angle parce que on a un outil technologique qui nous permet de voir les choses différemment avec un œil neuf. Et donc, c'est comme ça qu'on commence à découvrir le microbiote pulmonaire, le microbiote vaginal, le microbiote urinaire, etc., etc. Donc là, il y a vraiment des années et des années de recherche devant nous. Oui, sur ces avancées technologiques, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Mais Marc-André Sellos, vous voulez intervenir ? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord que le microbiote intestinal, bon, qui est le plus nombreux, sans doute en termes d'espèces, sans doute en termes de bactéries, à cacher les autres. Et je voudrais prendre la défense du microbiote cutané de mon côté, mais Geneviève a tout à fait raison. En fait, il y a des microbiotes vitaux partout. Et on ne réalise pas assez que ce microbiote-là, c'est celui que l'on peut le plus facilement toucher et entretenir ou abîmer. Pour le coup, le microbiote de la peau, c'est une vraie fourrure microscopique qui vide nos sécrétions et qui d'ailleurs est responsable de nos odeurs. Hein. La peau elle-même n'a pas beaucoup d'odeur et les débris, les déchets de fermentation de ces microbes font notre odeur. Vous savez, notamment l'acide propionique, hein, qu'on connaît bien dans le gruyère, il donne le goût de gruyère. Bon, bah, sur une peau qui est fraîchement lavée, il y en a un tout petit peu et ça donne des odeurs de noisettes qui sont pas désagréables. Puis quand il y en a plus, bah, voilà, ça donne... On sent le gruyère. Cet acide propionique, il a une fonction, c'est qu'il, comme il est acide, il est bactériostatique, c'est-à-dire qu'il va limiter le développement des microbes. Et donc, c'est un exemple de protection. Mais il y en a d'autres. La protection que confèrent les microbiotes en général et celui de la peau en particulier sont aussi faits d'interactions avec le système immunitaire. C'est-à-dire que ça régule le fonctionnement du système immunitaire. Alors, par exemple, on sait très bien que quand on élève des souris, c'est vraiment un outil ça, important pour comprendre comment ça marche les microbiotes, quand on élève des souris sans microbes, eh bien, leur peau cicatrise moins bien. Et si on remet un microbe, une seule espèce, hein, très très banale, de la peau, moi-même j'en porte une centaine de millions, le streptocoque de la Streptococcus epidermidis, le streptocoque de la peau, eh bien, la cicatrisation se fait plus vite. Et ça explique d'ailleurs qu'en milieu hospitalier aujourd'hui, quand on a des plaies, on a cessé maintenant de les désinfecter préventivement. On refait juste le pansement, on les désinfecte que si elles commencent à s'infecter, parce que la vitesse de cicatrisation dépend de la colonisation microbienne. Ça, c'est vraiment un écran qu'on néglige. Et alors, du coup, à coup de savon bactéricide, de peeling, eh bien, on abîme vraiment aujourd'hui ce microbiote et le fonctionnement de notre peau. Oui, vous parlez de cette colonisation microbienne. En effet, à la puberté, c'est aussi ce changement d'odeur de la transpiration est lié à nos microbiotes cutanés. Oui, alors pendant la puberté, en fait, on assiste en fait à un orage hormonal qui fait que on commence à avoir une peau beaucoup plus grasse et ça fait le bonheur de certaines bactéries qui adorent le gras. Certaines bactéries adorent le sucre, celles qui donnent des caries, mais certaines autres adorent le gras. Par exemple, il y a une bactérie qu'on appelait autrefois Propunibacterium acnes, qui a changé de nom, parce que les taxonomistes bactériens aiment bien de temps en temps renouveler, mais enfin, c'est toujours la même bactérie. Elle s'appelle maintenant Cutibacterium acnes, donc dans le mot acnes, vous reconnaissez acné. Et donc, c'est une bactérie qui se nourrit du gras. Donc plus votre peau devient grasse, plus elle en profite et donc plus elle prolifère. Et donc l'acné, c'est ni plus ni moins qu'une maladie au départ infectieuse qui provoque une inflammation de votre épiderme, d'où l'apparition de ces boutons extrêmement disgracieux. Mais donc finalement, c'est une dysbiose qui se passe au niveau cutané, l'acné, et par la prolifération anormale de cette bactérie Cutibacterium acnes. Et donc à l'heure actuelle, et on en revient à ce que disait tout à l'heure Marc-André, sur finalement les antagonismes qui existent entre des bactéries, faut savoir qu'au niveau de la peau, mais au niveau de tous les organes, c'est un peu la lutte pour la vie. Certaines bactéries vont chasser d'autres, et donc certaines bactéries, comme comme le Staphylococcus epidermidis, qui fait partie, voilà, qui est un habitant normal de la peau, on va parler de bactéries commensales, eh bien, on sait que certaines souches de cette bactérie-là sont capables de produire des composés qui vont empêcher la prolifération de la bactérie au moment de Cutibacterium, au moment de l'acné. Donc, il y a vraiment des drames qui se jouent à tous les niveaux, y compris au niveau de la peau. Et donc, plutôt que d'utiliser des antibiotiques qui font partie des lignes de traitement que l'on préconise quand on a des acnés assez graves, il y a à l'heure actuelle des approches complètement nouvelles thérapeutiques contre l'acné, qui est d'utiliser en fait des crèmes à base de bonnes bactéries, comme le Staphylococcus epidermidis, qui pourraient venir lutter biologiquement contre l'installation, contre la prolifération de la bactérie responsable de l'acné. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer qu'on est déjà en train de penser aux microbiotes médicaments, aux microbiotes thérapeutiques, en complément, voire en changement, enfin en supplémentant les antibiotiques qui ne sont pas sans conséquences, comme vous le savez. Marc-André Sellos. Oui, alors pour bien convaincre de ce que vient de dire Geneviève, tout le monde, parce qu'on va se dire, oui, bon là, ils sont en train de vendre leur histoire. On vend pas de crème pourtant. Non, c'est vrai, on a pas d'intérêt dans la vente de crème. Mais voilà, l'idée c'est que 80% d'entre nous sont porteurs de staphylocoque doré, mais moins d'1% auront un jour une maladie à staphylocoque doré. Et la différence, c'est que ordinairement, les staphylocoques dorés sont maintenus à distance. Ils prolifèrent dans les cas d'eczéma, dans lesquels d'ailleurs on commence à appliquer aussi des crèmes à base de Staphylococcus epidermidis. Mais d'une façon générale, il y a plein d'autres microbes qui sont antagonistes. Et alors je vais vous en citer un qui, pour le coup, est intéressant, parce que c'est une levure. Donc là, c'est un champignon unicellulaire. C'est les Malassezia. Vous les connaissez parce que quand elles prolifèrent, ça fait des pellicules. Mais ordinairement, quand il y en a une quantité limitée, pas trop de problèmes. Ces Malassezia se nourrissent de protéines qu'il y a sur notre peau ou qui traînent, et notamment, elles vont se nourrir et dissocier les protéines qui permettent aux staphylocoques d'adhérer entre eux. Et les staphylocoques dorés, ils adhèrent entre eux pour deux raisons. D'abord, ils font des tas qui sont moins sensibles aux antibiotiques, notamment ceux produits par les autres microbes, mais aussi plus résistants au frottement. Et donc, nos Malassezia sont un écran ordinaire contre les staphylocoques dorés. Et donc, ne pas être malade du staphylocoque doré, c'est pas ne pas avoir de staphylocoque doré, c'est avoir un microbiote qui le maîtrise. C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse, j'ai un estomac magnifique. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors nous parlons aujourd'hui de microbiote et mon microbiote, le vôtre, Geneviève Herriarnaud, ou vous qui nous écoutez, hein, nos microbiotes sont tous différents des uns des autres, c'est ça? Oui, alors ça, carte c'est une notion effectivement très importante, cette notion d'unicité du microbiote. Contrairement au génome, puisqu'on fait souvent un parallèle avec le génome, puisque il y a quelques années, la revue Nature avait titré sa couverture sur notre autre génome. Donc c'est assez intéressant de faire le parallèle entre le microbiome et le génome. Le génome humain, on est proche à 99,99% pour schématiser. Et pourtant, nous sommes différents d'un point de vue phénotypique. On n'a pas du tout la même tête. On ne se ressemble pas, alors que génétiquement, on est très très proche. Si vous prenez le microbiome, on partage en gros seulement un tiers des gènes communs au niveau bactérien, au niveau digestif. Le microbiome, le génome. Le microbiome, c'est le génome de toutes les bactéries, ouais. Voilà, du microbiote. Et on a... voilà, en gros, un tiers de gènes bactériens seulement en commun. Donc, vous imaginez la diversité phénotypique qui sépare les individus, d'où cette notion d'unicité. On est, chacun est reconnaissable à son microbiote. Et donc, il y a même des recherches qui sont faites par la police scientifique avec l'idée de pourquoi pas remplacer les empreintes digitales par des empreintes microbiennes, étant donné la typologie très fine de l'empreinte microbienne que nous laissons. Marc-André Sellos, sur l'unicité du microbiote. Alors, c'est une unicité qui est vraie aussi chez les espèces animales, mais moins prononcée. Et l'étude de tribus amazoniennes qui vivent avec un mode de vie alors vraiment pas occidental, hein, comme les yanomamis par exemple, montre que, d'abord, ils ont beaucoup plus de diversité embarquée, pas que des bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, mais leur diversité est plus importante de microbes, et aussi, les individus se ressemblent beaucoup plus que les occidentaux. Et ça, il y a dans l'unicité des microbiotes que chacun d'entre nous avons, il y a aussi une petite marque, une insistance liée à la modernité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on mange des choses qui sont nettoyées ou cuites, on pratique le savonnage, on passe de temps à autre aux antibiotiques. Nous sommes devenus des îles difficiles à aborder pour les microbes et nous divergeons beaucoup plus entre nous que nous ne divergeons, je pense, quand on se baladait à chasser le mammouth sur les terres d'Europe. Et ça, c'est le début de cette histoire que, dans la modernité, nous sommes en train de perdre la diversité de notre microbiote. Alors, on l'a évoqué il y a quelques instants, mais je voudrais un peu plus approfondir cette question. Qu'est-ce que ça signifie précisément de vivre en symbiose avec son microbiote ? Je voudrais juste revenir sur la remarque très intéressante de Marc-André juste avant. Effectivement, pour insister sur le fait qu'on a beaucoup parlé, il y a un plan biodiversité et se pose quand même la question de mettre les micro-organismes dans le plan biodiversité, puisque à l'heure actuelle, effectivement, certains chercheurs alertent sur le fait que la westernisation, excusez-moi ce terme franglais très très très moche, mais en gros le fait que dans nos alimentations, on va de plus en plus vers un régime à base en gros de frites et puis de boissons sodées qui est totalement délétère à la biodiversité de notre microbiote. Donc certains chercheurs s'alertent à l'heure actuelle en disant au niveau de l'humanité, on est en train de perdre des pans entiers d'espèces microbiennes et comme de par hasard, ce sont des espèces microbiennes qui sont a priori favorables à la bonne santé. D'où l'idée de mettre dans le plan biodiversité de préserver ces bactéries, ces souches bactériennes. Et à l'heure actuelle, il y a des banques qui commencent à se monter pour faire ce qu'on appelle des souches hôtes. Donc pour garder précieusement ces bonnes bactéries et pour éviter que sur l'humanité, eh bien, il n'y ait plus que les cueilleurs-chasseurs d'Amazonie ou de certaines régions d'Afrique qui soient détenteurs de ces bonnes bactéries type Bifidobacterium. Donc c'est vrai que cette notion de biodiversité, de préservation, eh bien, elle est aussi tout à fait prégnante quand on parle de microbiote. Mais c'est une perte de biodiversité qui nous touche directement en plus. Marc-André Sellos. Oui, alors tout à fait, ça c'est vraiment important, il y a une biodiversité là qui faut conserver, non pas nécessairement pour elle-même, mais pour nous, mm-hmm. Et il y en a une autre dont je voudrais vous parler, qu'on néglige toujours et qui fonctionne pareil, c'est un des points sur lesquels j'insiste dans mon bouquin, c'est qu'on a retrouvé culturellement, dans nos pratiques, des microbiotes associés notamment à nos pratiques alimentaires, à toutes les fermentations alimentaires, qui ont aussi des rôles protecteurs, d'apport de vitamines, d'aide à la digestion, de détoxification, et c'est notamment ce qu'on a dans la préparation du fromage ou dans la préparation du pain. Aujourd'hui, c'est plutôt des pratiques qui sont liées au plaisir. Autrefois, elles étaient vraiment vitales pour la conservation des aliments. Mais avec des méthodes, avec des préconisations comme ne plus consommer de fromage au lait cru avant l'âge de 5 ans, même on nous parle maintenant, l'ANSES nous parle de pas avant l'âge de 10 ans, on passe sur des produits qui sont stérilisés puis inoculés avec un petit jeu de souches de microbes, au lieu de microbiotes alimentaires diversifiés. Et ça, ça approvisionne moins nos propres microbiotes. Petit 2, c'est une perte énorme de produits qui sont culturellement intéressants. Et c'est un des endroits, si vous voulez, où la diversité du microbiote s'érode dans l'indifférence générale. Et alors même qu'on sait très bien que, par exemple, le lait cru, c'est très bon pour les enfants, pour préparer à se protéger de l'asthme, de l'eczéma ou tout un tas d'atteintes qui sont liées à un microbiote insuffisamment diversifié. Mais sur cette biodiversité du microbiote, quelle est cette relation symbiotique justement avec notre organisme ? Quelles sont les interactions mutuellement bénéfiques ? Oui, alors finalement, à travers l'illustration de l'apport de la biodiversité, on a déjà commencé à répondre, puisque en gros, l'être humain apporte le gîte et le couvert, si vous me passez l'expression, aux microbes. Voilà, par exemple, l'intestin, c'est un endroit dont raffolent les bactéries, puisqu'il fait 37 degrés, donc la plupart des bactéries, en tout cas qui nous habitent, sont adaptées à cette température. Il y fait chaud, il y a les nutriments qui arrivent tout droit, c'est humide, donc c'est parfaitement adapté. Donc, en gros, le corps humain apporte le gîte et le couvert. Mais par contre, la contrepartie dont on tire des microbiotes, elle est faramineusement très intéressante. Alors, les fonctions sont très importantes. Alors, on pense bien sûr à la digestion. Il y a par exemple certaines vitamines qu'on serait incapable d'assimiler sans l'apport des bactéries qui apportent leur arsenal enzymatique, qui participent à notre digestion et donc à l'assimilation de certaines enzymes. Donc ça, c'est une première des fonctions qui est bien connue depuis très longtemps. Mais les données, les recherches actuelles sur le microbiote intestinal, on commence à ouvrir une boîte de Pandore et on va parler de métabolome, c'est-à-dire toute cette composition de molécules extrêmement extrêmement importantes et diversifiées qui vont jouer des tas de rôles dans notre organisme. Alors, il y a énormément de fonctions. On peut citer notamment le système immunitaire. Notre système immunitaire est éduqué par notre microbiote. Et donc, on part plus ou moins bien armé dans la vie selon sa biodiversité intestinale qui s'est construite entre la naissance et à peu près l'âge de 2 ans. Donc ça, c'est une des premières grandes fonctions pour laquelle on a des débouchés très importants en médecine à l'heure actuelle. J'appelle tous les enzymes gastriques du secteur. Arrivez vite, la digestion commence. Lieutenant, mon lieutenant, colonie de bactéries en vue. Du calme, ce sont des Escherichia coli, nos meilleurs alliés, imbéciles. Qu'est-ce qu'on vous a donc appris à l'école? Et vous en verrez encore des milliers, des millions d'autres. De la cellulose, c'est à nous de jouer. Regardez ma chair, c'est de la peau de pomme, un vrai travail de bactéries. Alors, on se tricote quelques vitamines? Et que ferait-il si nous n'étions pas là pour fabriquer ces vitamines qu'on ne trouve pas dans les aliments? Dites-le-moi. Une illustration de ce microbiote intestinal avec un extrait de « Il était une fois la vie », Marc-André Sellos. Marc-André, oui, alors on peut se demander pourquoi toutes ces bactéries font autant de choses pour nous. Et en fait, bon, dans ce que disait Geneviève, il y a une part de la réponse. Nous sommes le gîte et le couvert. Donc effectivement, chaque fois qu'elles peuvent améliorer les conditions de fonctionnement de notre organisme, finalement, en retour, elles sont favorisées. Donc c'est sélectionné dans l'évolution. Mais il y a aussi une autre chose. On peut être étonné quand même de voir qu'il y a tout un tas de phénomènes dans le développement du système nerveux. Par exemple, dans le développement de l'immunité, comme le disait Geneviève, on peut être étonné de voir toutes ces multiplicités de béquilles que représentent les microbes dans notre fonctionnement. Et tout repose en fait sur la symbiose. La symbiose, c'est le fait, c'est l'étymologie sain avec et biosis vie, c'est le fait de vivre ensemble tout le temps. Et du coup, on a fini, nous, dans l'évolution, par avoir toujours embarqué ces microbes. Et à un moment, on a pu perdre une fonction, ou bien en acquérir une autre, appuyer sur ces microbes. S'il y avait une redondance, on peut perdre, nous, la capacité de faire ça, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, une grande partie de notre sérotonine, qui est une molécule très importante pour le fonctionnement du système nerveux, vient de notre microbiote intestinal. On peut aussi acquérir une nouvelle fonction, parce qu'on s'appuie sur ces milliers de gènes de notre microbiote, et donc finalement, au cours de l'évolution, on finit par évoluer avec des béquilles microbiennes, et à la fin, on se retrouve avec une dépendance multiple. Et moi, je ne connais aucune de nos fonctions qui ne subissent une influence microbienne. Même notre humeur, on sait qu'il y a des bactéries qui agissent sur l'humeur. D'ailleurs, même en Amérique, on commence à les vendre en parapharmacie, sans doute. En tout cas, vite, mais... c'est qu'il y a un dialogue, ce que vous dites, c'est un dialogue entre notre système immunitaire, entre le soi et le non-soi, hein, c'est ça? Si on considère que le microbiote n'est pas du soi, mais à la limite, oui, j'aurais tendance à le considérer comme du soi, puisque en fait, on se le fabrique dans les toutes premières heures de vie, voire même in utero. Donc là, à l'heure actuelle, il y a un grand débat sur la vie intra-utérine, mais partons du principe que la vie commence dès les premières minutes de l'accouchement. Donc en fait, depuis notre tendre enfance, depuis notre histoire de naissance, et ça commence déjà la grande question, est-ce qu'on est né par voie basse ou est-ce qu'on est né par césarienne? On aura déjà deux histoires de vie complètement différentes, et donc tout au long de notre vie, on va se faire notre catalogue propre, notre propre collection, donc finalement c'est quasiment du soi, on le conditionne par nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, et moi je considère que c'est vraiment du soi, et le débat entre le soi et le non-soi ne colle pas pour le microbiote, de mon point de vue. Et alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'homme augmenté, quand on fait référence aux prothèses, bref. Et moi, je pense tout de suite au microbiote. L'homme augmenté, il est augmenté déjà spontanément, naturellement, par l'acquisition microbienne qui lui vient dès son histoire de naissance et après tout au long de la vie. Et quand plus on rencontre de personnes, plus on a des contacts avec l'environnement, avec les animaux, plus on va enrichir son catalogue microbien. Et donc ça, c'est vraiment notre histoire de vie et c'est notre soi. Oui, vous parlez justement de l'accouchement par voie basse ou par césarienne, parce que c'est à ce moment-là que le nouveau-né constitue son microbiote, c'est ça ? Alors, il y a effectivement les bactéries pionnières qui jouent un rôle très très important, arrivent en fait dès le moment de l'accouchement et donc on sait bien, et maintenant les études sont très sérieuses, montrant que l'accouchement par césarienne, c'est déjà une perte de chance pour le nouveau-né, parce qu'en fait, ne passant pas par la filière génitale, il ne va pas bénéficier de la colonisation par des bonnes bactéries type lactobacillus, bifidobacterium, bacteroides, donc toutes ces bactéries qu'on retrouve, qui composent le microbiote vaginal de sa maman. Et donc privé de ces bactéries, eh bien son intestin va être l'objet de colonisation par des bactéries qui sont plutôt délétères et qui peuvent provoquer à terme un surrisque d'allergie, un surrisque de maladie métabolique. Donc vraiment les premières heures de vie vont conditionner une trajectoire santé. Alors c'est pas que l'accouchement, mais on sait que l'accouchement est vraiment dans les premières pierres à l'édifice très importante. C'est vraiment les bases de constitution de nos microbiotes et donc de notre future santé. Marc-André Sellos. Oui, alors là, notre mère nous amène beaucoup. Alors, pour continuer sur les lignes que trace Geneviève, je voudrais dire qu'aujourd'hui, bon, la césarienne n'est pas toujours une option dont on peut se passer. Il commence à y avoir des gros protocoles pour réinoculer des frottis vaginaux aux enfants qui ont dû naître par césarienne. Mais je pense qu'il faut quand même pointer du doigt la césarienne de pur confort, même s'il restera toujours des césariennes thérapeutiques. Hein. Mais il y a aussi dans l'héritage maternel les fameuses mitochondries dont on parlait tout à l'heure, elles nous viennent de notre mère. Et puis il y a aussi ce formidable amplificateur dans le lait maternel, pour le coup. Il y a des molécules qui sont indigestes pour l'homme, et donc c'est un peu énigmatique qu'il y en ait autant dans le lait, puisqu'il y en a 15 grammes par litre, hein, c'est ce qui est le plus abondant après les sucres et les lipides dans le lait, devant même les protéines. Or, ces molécules, ce sont des aliments pour les microbes. Et ça signe en lettres de feu notre dépendance à une colonisation rapide par des microbes. Là, en l'occurrence, les nouveau-nés, très souvent, ils ont mal au ventre parce qu'ils digèrent mal, ils attrapent des diarrhées, ils n'ont pas encore leur microbiote. C'est à l'âge de 3 ans qu'on commence à avoir un microbiote stabilisé qui ressemble à celui de l'adulte. Et donc, dans le lait maternel, dans le kit de survie que donne la mère à l'enfant, il y a de quoi favoriser des bactéries comme les bifidobactéries qui sont positives. Là, vous voyez, notre mère nous dote de plein de façons. Que dès le départ, le microbiote est aussi déterminé par l'alimentation. Oui, alors dans les facteurs, on va dire environnementaux, qui vont conditionner la couleur du microbiote, l'alimentation est un facteur très important. Alors la génétique va jouer, mais en fait pas tant que ça. 2% en fait des bactéries sont conditionnées par nos gènes. Donc ça, c'est l'interaction du génome sur le microbiome. Donc l'immense majorité des facteurs qui vont conditionner la structure du microbiote vient de ce que l'on mange. Donc en gros, voilà, on est ce que l'on mange à travers nos microbes. Oui, donc l'alimentation, c'est quelque chose, c'est vraiment un élément très important pour l'évolution, enfin pour la composition de notre microbiote. Donc, tout à fait. On peut en avoir dans la tête, et même aussi sur tout le reste, dans sa télé, dans sa radio, dans son jardin et son auto. Mais ceux-là ne sont pas dangereux, malgré qu'ils soient les plus nombreux. Il suffit d'un insecticide ou d'un truc en celluloïde pour qu'il s'en aille d'où il réside ou que plus jamais qu'il grésille. Ainsi font les parasites, néophytes ou métallistes qui autour de vous gravitent. Sans arrêt, ils préméditent se mettre sur votre bite pour mieux vous lécher la frite. Mais ce dont je veux parler, mieux que moi vous les connaissez. Ils attendent que vous partiez pour vous servir de portier. Ils attendent que vous rentriez pour vous essuyer les pieds. Ils attendent que vous vous couchiez pour pouvoir vous vampiriser. Ils attendent que vous vous leviez pour vous souhaiter une bonne journée. Ainsi font les parasites, néophytes ou méthodistes qui autour de vous gravitent. Sans arrêt, ils préméditent de se mettre sur votre orbite pour mieux vous lécher. Les Parasites de Jacques Dutronc et Eureka à 16h33 sur France Culture, où nous parlons non pas de parasites, mais au contraire de symbiose, puisque nous parlons de microbiote, ces bactéries qui nous veulent du bien. Nous sommes avec Geneviève Héry-Arnaud, professeure des universités, enseignante-chercheure en bactériologie à la faculté de médecine de Brest, et avec Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors pendant longtemps, on a cru que le monde des humains et celui des microbes étaient ennemis. À partir de quand cette idée s'inverse ? Alors, un des premiers pour lesquels on a retrouvé des écrits, qui a émis l'idée que la vie sans microbes était impossible, c'est quand même Louis Pasteur, grand découvreur des bactéries pathogènes. Donc c'est ça qui est fou, il a été à ce point précurseur qu'il a à la fois contribué à mettre un nom sur des grandes maladies infectieuses à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, mais en même temps, dès 1885, il a été le premier à y mettre l'hypothèse que la vie sans microbes n'était pas possible chez les animaux, de manière générale. Donc ça englobe l'espèce humaine. Donc ça, c'était fin du 19e siècle. On est loin avec Pasteur. On est très loin d'un microbiote aussi. Hein. Alors oui, il a quand même été très précurseur, parce qu'à l'époque, effectivement, il soupçonnait que la vie sans microbes était impossible. Enfin, en tout cas, la vie en bonne santé. Et donc, pour après, vraiment, alors on va dire que le 20e siècle, ça a plutôt été, d'un point de vue microbiologique, en tout cas en médical, hein, en bactériologie médicale, ça a été le siècle de la lutte contre les microbes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la petite introduction qui disait finalement c'est la partie émergée de l'iceberg, mais qui était ô combien importante, puisqu'à l'époque on mourait énormément. Il y avait ces grandes pandémies, hein, c'était pas le Covid, mais c'était la peste, la tuberculose, le choléra. Donc c'était impérieux de trouver des solutions. Les solutions sont arrivées par les antibiotiques. Donc ça, en gros, c'est le 20e siècle, la lutte contre les maladies infectieuses. Et finalement, il a fallu attendre le 21e siècle, l'arrivée de cet outil formidable qui est le séquençage au débit, qui a servi nos amis les généticiens et qui nous sert, nous, maintenant microbiologistes, pour découvrir ces flores commensales qui nous veulent du bien et donc comprendre que petit à petit, ben, ce microbiote était indispensable à la vie. Et donc là, on a commencé à faire des expériences avec, par exemple, des souris qu'on dit axéniques, des souris totalement dépourvues de microbes, et on s'est rendu compte, donc stériles, voilà, des souris stériles qu'on élève dans des élevages très particuliers où voilà, on traque le moindre microbe pour garder leur stérilité, et on s'est rendu compte qu'elles déclaraient des tas de pathologies. Donc voilà, des premières pistes qui nous ont permis de dire, enfin en tout cas aux chercheurs, la vie sans microbes, ça semble pas terrible. Autre piste d'éléments, c'est chez les enfants qui subissaient très tôt des cures d'antibiotiques. On a commencé à faire des liens très forts avec l'émergence de maladies composantes allergiques. Donc l'idée de se dire, bah, finalement, quand on met des antibiotiques, on perd une partie de notre microbiote, et donc c'est peut-être le début d'ennui. Donc vous voyez plusieurs pistes qui sont arrivées à la suite les uns des autres. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et le premier qui a émis l'hypothèse d'une vie non saine, sans microbes, c'est quand même Louis Pasteur. Marc-André Sellos, dans l'histoire des sciences, sur les premiers indices d'un microbiote. Alors, j'ai pas mieux à dire, mais par contre, je peux aller tout à fait dans le sens pasteurien qui a été indiqué, en vous rappelant que à l'Institut Pasteur, et ensuite ailleurs, il y a des gens comme Bengerink qui ont commencé à étudier des bactéries qui aident les plantes, qu'on appelle les engrais verts, hein, à fixer de l'azote atmosphérique, c'est-à-dire à transformer le gaz de l'atmosphère, l'azote gazeux, en protéines, et qui sont très importantes en agriculture. Donc, il y a eu dès le début une ligne de gens qui ont vu des microbes profitables. Dans cette histoire, la médecine a été à la fois notre boulet et notre avantage. Ça a été notre boulet parce que rapidement, les descendants de Pasteur vont s'engager dans une lutte contre le microbe pathogène, et alors une lutte qui est salutaire d'ailleurs, hein, parce que ça a tiré l'Occident de pas mal d'ennuis, d'épidémies. Donc on est rentré dans une vision très très négative des microbes, et finalement c'est encore la médecine qui agit pour nous sauver dans l'autre sens, parce que quand brutalement on se rend compte qu'ils existent et qu'ils ont un effet positif sur notre santé, à la fois parce que ça permet éventuellement des diagnostics, mais aussi parce qu'il y a des perspectives de soins, la médecine va sortir ce microbiote de l'obscurité. Néanmoins, entre-temps, il y a tout un tas de gens qui continuent à penser microbes profitables et même communauté de microbes profitables. Le premier qui décrit quelque chose qui ressemble à un microbiote, c'est Hiltner, sur la racine... Le microbiologiste allemand, en 1904, absolument. C'est ça? Oui. 1904, oui, Hiltner. Et sa définition de la rhizosphère, c'est, ça comprend la communauté microbienne. En 1969, il y a un dénommé Theodore Rosebury qui écrit un livre assez marrant, c'est l'époque où on atterrit sur la Lune, et il écrit « Life on Man ». Et il décrit comment nos façons, notre asepsie, nos désodorants, nos savons, nos antibiotiques sont en train de détruire la vie sur l'homme, c'est-à-dire la vie dont nous sommes faits. Et il dit qu'un animal sans microbes est une pauvre chose. Et en fait, voilà, ça a toujours été là, mais c'est quelque part la possibilité d'application à l'homme qui a en fait donné le baiser à la Belle au bois dormant. Alors je reviens sur votre exemple de Lorenz Hiltner, un biologiste des plantes qui met en avant cette notion de rhizosphère. Et il est déjà, en effet, très proche du concept de microbiote. Oui, alors ça c'est ça qui est tout à fait étonnant en histoire des sciences, c'est que très souvent l'innovation vient des sciences du végétal. Hein. Regardez la notion d'hérédité avec Mendel, c'est des pois, la notion de transposon avec Barbara McClintock, c'est le maïs. Très souvent les gens qui observent le végétal savent pas trop à quoi s'attendre, ils ont l'esprit très ouvert à des trucs bizarres et certains finissent par trouver des choses fondamentales. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai connu dès les congrès, le premier congrès sur la symbiose où j'ai été en 96, tout jeune thésard, il y avait une petite communauté qui était convaincue de toutes ces histoires. Mais cette communauté, il lui manquait deux outils que Geneviève a bien indiqué. Le premier, c'est des outils de description qu'on a eu quand on a commencé à utiliser l'ADN, de description de ces communautés. Le deuxième, c'est des preuves fermes des mécanismes et des fonctions qu'il y avait derrière cette diversité microbienne. Alors, je voudrais savoir aussi, Geneviève Héry-Arnaud, dans les années 60, on commence à établir les grandes règles écologiques qui règnent dans l'intestin. On pose les bases. Oui, dans les années 60, oui, mais alors après, ça a vraiment pris un essor. C'est-à-dire que ça a pris son temps, c'est une découverte. Ça a pris son temps, mais en fait, dans les années 60, vous êtes en plein dans une époque où c'était plutôt les antibiotiques vont sauver le monde. Donc effectivement, il y a toujours eu des gens qui ont été persuadés de l'intérêt des microbes, le microbe bénéfique. Et on a oublié de citer, mais il y a quand même Metchnikoff, qui est quand même le père des probiotiques. Et ça, c'est le début du XXe siècle. Il y a toujours eu des gens... Vous rappelez ce que sont les probiotiques. Hein. Alors les probiotiques, ce sont des microbes qui sont bénéfiques à la santé. Et donc ça, c'est quand même début du XXe siècle. Mais c'est vrai que ces gens-là n'ont pas été très écoutés. Alors après coup, on les a redécouverts. Mais on était plutôt... Alors moi je parle pour le domaine médical qui avait clairement du retard sur le domaine de la microbiologie par rapport au domaine de la microbiologie environnementale que connaît très bien Marc-André Sellos. Clairement en médecine on avait voilà ces boulets des maladies infectieuses qu'il nous fallait régler et donc on était probablement moins ouvert à l'idée des bactéries bénéfiques. Mais n'empêche qu'il y a toujours eu des gens qui y ont cru. Mais en gros dans les années 60 effectivement il y a les premiers travaux sur le microbiote intestinal. Mais côté médecine on était avant tout tourné sur l'antibiotique. Thérapie. On pensait sauver le monde avec les antibiotiques et il a fallu attendre quand même les années 90 pour se rendre compte qu'il y avait le revers de la médaille avec l'antibiorésistance. Et à partir de là, l'idée d'aller trouver des méthodes alternatives. Et en fait, il a fallu attendre les années 2007-2008 pour que des grands projets de description du microbiote intestinal émergent, à la fois aux États-Unis avec le Human Microbiome Project et puis le projet en Europe MetaHIT dans lequel l'INRAE a été extrêmement partie prenante. Donc vous voyez, tout ça, ça a pris du temps parce qu'on avait en gros un combat à mener qui était le combat des maladies infectieuses et l'heure n'était pas encore venue de penser aux bactéries bénéfiques, aux microbes bénéfiques. Alors c'est quand on découvre l'importance primordiale du microbiote, tardivement, qu'à ce moment-là s'enclenche un grand nombre d'études à ce sujet. Ah oui, alors je faisais l'expérience de regarder sur un moteur de recherche qui n'est pas un moteur de recherche pour monsieur et madame tout le monde, hein, mais qui est plutôt tourné sur les essais cliniques. Et à l'heure actuelle, vous avez plus de 2500 essais cliniques qui portent sur le microbiote. Donc à partir du moment où vous avez ce mot qui commence à intégrer le monde de la recherche clinique, c'est que vraiment les médecins, les chercheurs qui font de la recherche clinico-biologique ont compris tout l'intérêt. Donc là maintenant, en 2021, ça y est, on est parti vraiment à fond sur de la recherche qui concerne l'homme et non plus les animaux. Et ça, c'est une très bonne chose. Petit exemple d'anthropocentrisme aussi. Marc-André Sellos sur cette découverte du microbiote, cette découverte révolutionnaire qui se fait récemment. Alors effectivement, il y a un fleurissement de recherche. Il y a même maintenant des journaux entiers comme microbiome, hein, qui sont dévolus, des journaux scientifiques bien sûr, qui sont dévolus à des publications sur les microbes, hein, enfin sur les microbiotes. Alors, moi, il y a une chose qui me fascine et qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça a débordé aussi dans la vie courante, et maintenant on trouve beaucoup en parapharmacie de probiotiques, les fameux probiotiques. On trouve même aux États-Unis des psychobiotiques qui sont des probiotiques, des médicaments qui ont, enfin pardon, des bactéries qui ont des rôles positifs sur le psychisme, soi-disant. Et en fait, on est face à une prolifération de produits qui n'ont pas, pour lesquels il n'y a pas de réglementation, quoi. C'est pas comme, bon, les agences des médicaments ont dit non, nous, on ne sait pas traiter de ça, donc on ne va pas homologuer ça. Ça se vend en parapharmacie. Vous pouvez aujourd'hui trouver notamment des microbes, enfin des bactéries avec des, enfin, sur des tampons applicateurs vaginaux pour restaurer l'équilibre vaginal. Mais on a finalement assez peu de recul là-dessus. Et le vrai problème, c'est qu'on ne connaît pas encore les effets négatifs. Or, les bactéries sont comme les molécules chimiques, ce sont des Janus. Par rapport à certains aspects, il peut y avoir des effets positifs. Par rapport à d'autres, il y a nécessairement aussi des limites qu'il faut bien connaître avant de recommander ça. Et moi, je fais partie des gens qui attendent une législation claire pour le consommateur, pour qu'il sache ce qu'il achète et comment l'utiliser. Et sur le business. Oui, bah c'est clair que c'est devenu un argument marketing pour pas mal de sociétés. J'ai été récemment faire un topo sur le microbiote cutané aux journées de dermatologie. Il y avait du microbiote sur toutes les affiches. Donc c'est vrai que ça me fait assez rire parce que voilà, c'est un argument marketing, y compris dans des dentifrices. Maintenant, vous lavez microbiote, vous lavez les dents microbiote, vous faites tout microbiote. C'est clairement un argument marketing. Après, au-delà de ça, ce serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et moi, je fais partie de ceux et celles qui pensent que les essais cliniques sont importants, donc c'est la médecine par la preuve, et n'empêche que quand il y a des essais cliniques qui sont menés avec ce qu'on appelle les essais randomisés contrôlés, donc ni le médecin ni le patient ne sait s'il prend le placebo ou s'il prend le probiotique ou la formule symbiotique, eh bien il y a des résultats qui sont majeurs. Il y a notamment sur une sphère qui m'intéresse particulièrement, qui est la sphère bronchopulmonaire, un essai clinique qui a été mené en Inde sur 4000 enfants, des nouveau-nés à qui on a donné soit un placebo, soit une formule symbiotique. Donc en gros, c'est la bactérie probiotique et le sucre qu'elle aime bien pour lui permettre de proliférer. Et en fait, dans le bras des enfants qui avaient bénéficié de cette formule avec des probiotiques, il y a eu une réduction importante d'un tiers des infections pulmonaires, avec aussi une réduction des sepsis. Donc vous voyez, quand on se donne la peine de faire des essais cliniques randomisés, contrôlés, avec des souches qui sont extrêmement bien caractérisées, eh bien, parfois, on a des résultats et je pense qu'il faut aller vers ça parce que ce serait dommage de se passer de la piste des probiotiques comme alternative thérapeutique. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors Geneviève et Arnaud, quels ont été les progrès technologiques qui ont permis cette découverte primordiale du microbiote ? Alors, le grand progrès technologique, c'est ce qu'on j'ai appelé tout à l'heure par le mot stéthoscope moléculaire. En gros, c'est quoi ? C'est du séquençage, mais du séquençage tellement haut débit qu'au lieu de faire ce qu'on faisait avant avec une technologie qui s'appelle la technologie de Sanger, au lieu de faire un seul génome, enfin génome par génome, donc on prend une bactérie et on va décrypter son génome, là on est capable de prendre les milliards de bactéries qui composent, enfin qui sont dans un prélèvement, et d'avoir tout leur génome en même temps. Et donc là, c'est vrai que ça a été une porte ouverte sur la découverte de ce monde microbien qui est vertigineux en nombre. Et donc sans cette technologie, on était quasiment dans l'impossibilité. On savait qu'il y avait quand même beaucoup de monde, mais on était incapable de donner des noms. Et donc à l'heure actuelle, c'est un des grands travaux qui est en cours, c'est de décrire pas à pas toutes les bactéries, leur donner un nom en fonction des écosystèmes étudiés, et puis après de comprendre à quoi elles servent, quels sont leurs rôles, quelles sont leurs interactions. Donc vraiment, c'est le séquençage haut débit qui a permis une grande avancée dans ce monde du microbiote. Je voudrais compléter par dire que moi qui suis microbiologiste, on va dire formée à l'école plutôt pasteurienne, c'est-à-dire avec la bonne boîte de Petri, la coloration de Gram, ce monde de séquençage au débit, c'est un monde quand même un petit peu obscur puisque ça repose beaucoup sur la bioinformatique. Et là, on est en train de récupérer, de rejoindre le monde de Pasteur parce qu'en fait, avec ce séquençage au débit, on a découvert la partie émergée de l'iceberg et on s'est dit, mais ces bactéries-là, on va quand même essayer de les cultiver. Et on rentre dans une nouvelle ère en microbiologie médicale qui s'appelle l'ère de la culturomique, c'est-à-dire que on se donne les moyens d'essayer de cultiver ces bactéries et parfois on y arrive et parfois on découvre des nouvelles espèces. Et là, c'est super parce qu'on a plus non seulement le génome, mais on a toute la bactérie, on a sa physiologie et on est capable de mieux comprendre ses fonctions. Donc après la métagénomique, c'est la culturomique qui vient compléter l'étude de ce monde microbien. Marc-André Sellos. Oui, alors c'est d'autant plus important qu'éventuellement on pourra ensuite envisager d'utiliser cette bactérie si elle a des propriétés intéressantes. Je voudrais dire que je rejoins vraiment Geneviève sur la perspective d'utiliser ces microbes. Et c'est pour ça que je parlais de réglementation, c'est que je veux surtout pas que les consommateurs se découragent sur des produits moyens de quelque chose qui soulève des espoirs. Et cette découverte d'un monde microbien qu'on ne parvenait pas à cultiver et qu'on ignorait auparavant, c'est vrai dans tous les écosystèmes, dans tous les milieux. Sur les dizaines ou les centaines de milliers d'espèces qu'il y a dans un gramme de sol, 99,9% ne sont pas cultivables. On les a découverts quand on a utilisé ces méthodes. Donc dans tous les milieux, on a découvert comme ça une fabuleuse diversité microbienne. En revanche, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que techniquement, on ne peut faire ça en routine que quand les organismes possèdent tous les mêmes gènes, enfin, certains gènes en commun. Du coup, on arrive à décrire la liste des champignons ou la liste des bactéries qui sont présentes dans un milieu sans difficulté. Mais il y a des petites choses qui nous échappent parce qu'elles, d'une espèce à l'autre, elles sont très divergentes génétiquement, elles n'ont rien de commun et il n'y a pas de moyen de les étiqueter par l'ADN, ce sont les virus. Et je pense que nous avons aussi des virus dans notre microbiote. Et pour le coup, nous en sommes avec les virus exactement là où nous en étions dans les années 50 avec les bactéries de notre microbiote. On n'a même pas la liste et on est encore loin de savoir les effets, alors même qu'on sait que certains nous ont légué des choses aussi importantes que des gènes pour faire le placenta ou des gènes pour permettre de sécréter une enzyme qui s'appelle l'amylase dans la salive. Et donc, il y a là un continent qui, complètement à découvrir, c'est notre viriome, comme on l'appelle, la partie virale. Oui, c'est ça, vous pensez qu'on n'a pas encore, on a découvert que la partie immergée de l'iceberg, vraiment. Il y a encore une racine sous la racine de l'iceberg, oui. Mais quelles sont encore les questions ouvertes sur ce microbiote? Je vous vois sourire, Geneviève Ernaud. Elles sont tellement nombreuses, les questions. Ah, mais... microbiote, je vous disais tout à l'heure, l'image de la boîte de Pandore, c'est un petit peu ça. Après, c'est difficile de vous lister des grandes questions, parce que chacun dans son domaine scientifique, dans son domaine de recherche, va avoir toute une liste de questions. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qui anime beaucoup de nombreuses équipes de recherche dans le monde entier, c'est ces liens avec le système immunitaire. À mes yeux, je pense que c'est très important. Je voyais encore récemment, il y avait un communiqué de presse de l'INSERM sur le rôle du microbiote dans la vaccination, expliquer finalement comment le microbiote va jouer sur le fait que certains vont avoir une réponse vaccinale et d'autres pas. C'est un exemple, mais je pense que c'est le lien avec l'immunité. Moi, je pense que c'est fait partie des grands chantiers du 21e siècle, comprendre comment ce microbiote va façonner notre système immunitaire. C'est l'espoir, c'est vraiment les possibilités thérapeutiques du microbiote. Oui, alors c'est vrai, quand on vient du monde médical, il y a un moment, on a une obligation de résultat, on a un patient en face de soi. Et c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités d'utilisation du microbiote. À l'heure actuelle, on a des possibilités de diagnostic précoce. On a des possibilités même de traitement. Vous avez certainement entendu parler de la transplantation de microbiote fécal. C'est une thérapie qui a lieu dans beaucoup de centres hospitalo-universitaires en France. À Brest, on la pratique depuis 2015. Et donc, on soigne des gens en leur greffant des selles. Donc ça, c'est de la microbiote thérapie qu'on s'est autorisé à faire maintenant sous couvert de l'ANSM parce qu'il y a eu un essai clinique. Justement, on en revient là, qui a montré le bénéfice supérieur de la transplantation de microbiote fécal en comparaison de l'antibiothérapie qui était le traitement classique. Donc oui, on est à la fois dans le diagnostic, dans le thérapeutique et également dans la prévention avec l'alimentation. Marc-André Sellos, sur ces possibilités thérapeutiques? Alors, tout a été dit, je pense, de ce point de vue-là, mais sur les perspectives pour aller un peu plus loin... Moi, il y a une chose qui me trouble, et je vais pousser une forme de coup de gueule, c'est que finalement, ce qu'on vient de comprendre, c'est que nous sommes le produit d'un écosystème microbien. Et quand on change cet écosystème microbien, notre fonctionnement change, pas forcément en bien. Et ça touche aussi bien au fonctionnement donc, du système nerveux et son développement. On sait aujourd'hui que c'est une des causes, parmi d'autres, mais de l'autisme, ça touche au système immunitaire, ça a été dit, ça touche aussi au métabolisme. On sait que l'obésité et le diabète, qui sont des maladies, ça nous coûte 100 milliards d'euros par an en France. Des maladies émergentes, toutes ces maladies que je viens de citer, hein, c'est 25% des Européens en 2025 qui en souffriront. Et pour résoudre ça, quand on a compris que nous sommes un écosystème microbien, il se trouve qu'il y a une discipline qui a étudié l'écologie, les écosystèmes, c'est l'écologie. Et moi, ce que j'attends, c'est que les concepts de l'écologie développés sur l'étude des végétaux, des animaux et d'autres écosystèmes, les grandes lois de l'écologie, notamment comment est-ce qu'on peut forcer une espèce à s'installer, comment est-ce qu'on peut manipuler un écosystème, quelles sont les règles qui l'animent, que les lois de l'écologie soient enfin mobilisées et dans la formation et dans la pratique médicale. On ne peut plus aujourd'hui avoir des médecins qui n'aient pas étudié l'écologie et l'évolution, parce que ce sera leur meilleure façon de récupérer le corpus défini pour d'autres groupes d'organismes comme autant d'outils pour soigner l'humain. Geneviève Vernier, non ? Alors, j'adhère totalement à ce que vient de dire Marc-André. On y travaille modestement dans nos facultés. Voilà, c'est vrai que, on va dire que, pour faire simple, les cours, le magistère de microbiologie, de bactériologie dans les facultés de médecine ou de pharmacie est en train de changer. Mais ça n'empêche que, enfin, la tâche est ardue, parce que ça ne veut pas dire que tout ce qui était enseigné avant était faux. Donc finalement, c'est, voilà, on rajoute, en fait, des enseignements. Mais c'est vrai qu'on a tous, je pense, dans nos facultés, rajouter des cours sur le microbiote, sur l'écologie microbienne. Moi, c'est vrai que j'étais sensibilisée à ces questions très très jeune en faisant un master 2 d'écologie microbienne à Lyon. C'est pas le cas de tout le monde, donc je vais totalement dans ce sens-là. Je pense qu'il faut donner cette culture d'écologue à nos médecins et leur dire effectivement les antibiotiques à usage raisonné et penser à préserver ce qu'on disait autrefois sous le nom de flore et qui parle quand même aux médecins. Et parce que c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme, voilà. Alors parfois, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut traiter quand même, hein, donc il faut savoir faire la part des choses. Et c'est là que je pense que les bactériologues ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire que nous, on connaît quand même l'écologie microbienne, on s'y met, les gens de ma génération s'y mettent de plus en plus. Et donc on peut faire un petit peu le lien entre les connaissances qui nous viennent des grands écologues et puis les connaissances médicales. Et non, on a vraiment un rôle très important à jouer en termes de formation des futurs médecins. Et merci beaucoup de nous avoir parlé de la découverte de ce continent. Merci Geneviève et Arnaud. Merci Marc-André Sellos, après avoir parlé tout au long de cette heure des bienfaits des microbiotes, du microbiote intestinal. Pour notre générique de fin, nous nous quittons tout naturellement avec une danse du ventre, la danza del ventre de Carlo Ciliotto. Merci à toute l'équipe de Rica, Anne Toscan-Vuides, Éléonore Pérez, Mariam Ibrahim, Antonin Auberger, Nicolas Berger à la réalisation et Félix Delacour à la technique. Demain, pour finir la semaine, nous retournerons dans le monde du visible, puisque nous parlerons de l'invention de la photographie, demain à 16h. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer. France Culture. L'esprit d'ouverture.